Écoute, écoute encore la pluie mélancolique. Écoute ces rumeurs la nuit que je fais pour toi. Le feu qui crépite au loin, le vent dans les arbres. Écoute bien, regarde bien, il faut que tu me voies. Cette chambre sans secret pour moi depuis que je la hante. Chaque meuble et chaque objet déjà j'ai rempli de murmures. Tu vas, tu viens, tu ris, tu chantes et toujours tu m'ignores. Pourtant, pourtant, écoute bien, je suis toujours là. Déjà j'ai trouvé ton miroir et fait grincer la porte. Mille fois j'ai effleuré ton bras et chuchoté ton nom. Ce que peut faire pauvre fantôme pour montrer qu'il existe. Le drap que je portais jadis ne te fit que sourire. J'ai renoncé depuis longtemps déjà à ce déguisement. Fantôme, je suis fantôme, pour toi je resterai toujours. Fantôme, je suis fantôme, pour moi jusqu'à la fin des jours.